Bien bonjour, vous êtes dans l'actualité des luttes. Donc du coup, l'idée c'était aujourd'hui de revenir sur ce concept, ce mot qui est de plus en plus employé, qui est islamophobie. Il y a eu un meeting le 6 mars à la Bourse du Travail de Saint-Denis qui a rassemblé plein d'organisations, de gens pour se battre contre l'islamophobie. Donc c'est un peu autour de ces questions-là, du texte que tu as écrit, Ornella, et puis de tous les débats qui ont eu lieu autour de ce meeting, entre autres. Ça nous a donné envie, parce qu'on y est beaucoup confronté aussi sur les terrains de lutte où on va, de redéfinir un peu ce terme. Et puis voilà, de commencer en fait une série de discussions autour de ce terme. Donc aujourd'hui dans les studios pour en parler, on a Germinal. Alors comment on pourrait te présenter ? Moi, je travaille sur les gauches identitaires, enfin ce que j'appelle les gauches identitaires. Je travaille sur des éléments politiques de ces dernières années en France et aux États-Unis. J'ai été militant, surtout dans la décennie 90. J'ai été dans différents mouvements chômeurs. J'ai été à ACT UP Paris et depuis le début des années 2010, avec d'autres personnes, j'anime une petite revue qui s'appelle Critique Social. Et tu as écrit pas mal de textes et prochainement un bouquin. D'ailleurs, on te recevra sur ce bouquin précisément. Tu as un blog sur Mediapart, dire, pour que les gens puissent aller. Donc, c'est Germinal Pinali. Oui. Pinalie. Voilà, comme ça, ça permettra aux auditeurs de poursuivre l'interrogation en lisant ces textes. Sans ça, après, on a Brahim. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis militant à gauche radicale. Je suis venu un peu m'exprimer sur le sujet parce que je constate une espèce de dérive de plus en plus prononcée de la gauche radicale, justement, sur ces questions-là. Organisée ou pas, d'ailleurs, sur ces questions-là. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est de revenir sur l'islamophobie, parce que c'est en fait finalement un terme qu'on a vu apparaître dans les années 80. Eh ben, on parlait pas d'islamophobie. On parlait du racisme tout court et qui englobait l'ensemble des racismes, que ce soit celui vis-à-vis des Arabes, des Roms, des Juifs. Il était mis sous ce chapeau qui était l'antiracisme. Et puis finalement, on a vu apparaître la négrophobie, l'antisémitisme et puis dernièrement l'islamophobie. Comment il apparaît en tous les cas dans la sphère politique de l'antiracisme ? Ce terme, je le conteste vivement, puisque ça fait l'amalgame entre beaucoup de choses. Déjà, entre des individus qui sont des croyants, des musulmans, et une religion qui est porteur d'une idéologie politique que certains groupes très réactionnaires instrumentalisent. Et c'est derrière, sous ce terme, qu'il se dérobe pour se protéger justement de toutes les attaques qui peuvent être faites contre cette idéologie. Faut vraiment poser le problème, notamment sur ce terme. Il faut évidemment s'opposer à toutes les formes de stigmatisation et d'oppression qui est faite vis-à-vis d'individus du fait de leurs croyances, à cause de leurs croyances. Et ça, évidemment, qu'il faut dénoncer à chaque fois toute forme d'oppression. Mais pour autant, on ne peut pas admettre une idéologie politique qui est portée par des groupes très réactionnaires. Et réactionnaire, c'est peu dire. Oui, alors bon, après, il y a une palette assez large, mais des idées nauséabondes aussi sont véhiculées par totalitaires. On voit qu'en France, moi j'ai écrit ce texte-là sur le site Street Press contre le fait qu'on s'allie, par exemple, à une organisation comme l'Union des organisations islamiques de France, UOIF, dans le cadre d'une lutte antiraciste. Outre le fait que l'UOIF est souvent assimilé aux frères musulmans et que PSM appartient à un mouvement marocain plus large qui, lui, a assassiné dans les années 90 des gens qui sont des camarades, des militants d'extrême gauche, des étudiants. C'est une négation complète de ce qui devrait être une des bases du militantisme, qui est la solidarité internationale. Du coup, on arrive un peu vite à ce qu'on avait prévu d'aborder tout à l'heure. Mais c'est vrai que quel message on envoie quand on participe à cautionner, du coup, symboliquement, parce que je doute des militants de gauche donnent des sous à PSM, mais enfin symboliquement, en les invitant, enfin, dans des meetings, etc., on contribue à les cautionner, y compris en les faisant passer, en leur donnant une image progressiste qu'ils n'ont pas du tout. C'est pas d'ailleurs le seul cas, mais, et ce faisant, on les légitime. On pourrait même contribuer à les légitimer d'ailleurs auprès de pouvoirs politiques. Et d'ailleurs, s'agissant de l'OEF, on voit que c'est de toute façon déjà le cas, puisqu'ils étaient même là au manif de solidarité, enfin, d'Union nationale. Donc, quand on dit on va au meeting au nom du refus de l'Union nationale, c'est pas mal. Et c'est une organisation, l'UOIF, par exemple, qui est effectivement écoutée par l'État, dont un des enjeux, c'est d'avoir des places au sein du Conseil représentatif du culte musulman fondé par Sarkozy, etc. quel message on envoie quand, effectivement, à l'extrême gauche, on soutient des organisations comme ça, et quel message on envoie à nos camarades qui sont dans ces pays-là et qui subissent directement l'oppression d'organisations qui sont intimement liées à ces mouvements-là. C'est quand même quelque chose, moi, qui me semble... On va me dire, c'est différent là-bas, ici, on n'est pas là-bas, mais enfin, quand même. Ben, il se trouve qu'en France, toutes les positions qu'ils prennent sont hyper réac, et notamment, on les a vues aux côtés des manifs pour tous, à plusieurs reprises, manifestées. Puis quand on lit leurs textes, d'ailleurs, sur des questions comme l'avortement, ou comme l'avortement, l'UOIF, c'est interdit. Il y a une charte de l'enfant en islam sur leur site, c'est interdit. Donc voilà, la chose est claire. Et puis, ben, pareil, pour les questions de mariage. Et d'ailleurs, la rhétorique, si on compare les textes de Civitas, donc catholique, et les textes de l'UOIF, enfin, on pourrait interchanger les trucs. Y compris aussi dans comment ils expliquent le fait qu'ils considèrent qu'eux, il est légitime que les religions interviennent dans le débat public, soient entendues par les gouvernements, etc. Ben, j'ai lu des textes très similaires sur des sites de l'Église catholique très officiels, hein, que ce soit la conférence des évêques de France, même, je ne sais plus, l'Église catholique de France a un site aussi en tant que tel. Enfin bon, on voit comment se rejoignent, et même à la limite du côté des juifs, puisqu'on va taper du coup sur les trois monothéismes au moins, le grand rabbin Bernheim avait lui aussi pris position en faveur de la manif pour tous. Et puis sur l'avortement, je ne sais pas trop quelles sont ses positions, mais enfin, on peut peut-être les imaginer, quoi. C'est donc à partir de là, voilà. Qui emploie ce terme? Comment il est apparu quand même plus dans la sphère politique? Germinal. Je vais juste me faire un tout petit peu l'avocat du diable, mais précisément pour qu'on fixe un peu les termes du débat. Est-ce qu'on ne peut pas quand même prendre au sérieux le fait qu'il y a eu à partir de au moins, je ne sais pas, disons le début des années 2000, une fixation, en France particulièrement, de toute une partie de la droite et de l'extrême droite sur la question de l'islam comme problème et l'idée qu'il y a autour du voile islamique ou du halal, etc., des problèmes entre une supposée, une définie posée comme telle culture française ou culture même républicaine, les entend-on dire, et l'islam et les musulmans. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une... Si on veut véritablement faire une critique du mot islamophobie, on ne peut pas faire l'économie de la définition précise des formes de cette discrimination-là. Et je pense que si on veut essayer de fabriquer quelque chose de plus intelligent pour pouvoir précisément critiquer les courants qui surfent sur le mot islamophobie, je pense qu'il faut séparer les éléments et essayer de comprendre comment ça s'agence. On a vu apparaître ce mot-là dans ces sphères-là, et au lieu de le réfuter du côté gauche et extrême-gauche, on rentre sur ce terrain-là. Avec un argument qui est développé, c'est qu'à dire, il y a un terme spécifique pour le racisme anti-juif qui est l'antisémitisme. Pourquoi pas l'islamophobie? Est-ce que ça pourrait pas être un équivalent? Alors, c'est vrai que on peut aussi penser qu'il est légitime à la fois de penser les racismes dans leur globalité, dans une perspective comparative, et de penser des spécificités. Cela dit, c'est un terme qui est employé beaucoup plus récemment, l'islamophobie en tout cas, de manière massive comme ça dans nos sphères. L'antisémitisme, depuis la fin du 19e, a un sens fixé. On peut toujours y avoir des gens, en général je serais des antifachos pour te dire les Arabes sont des sémites, alors que c'est des langues sémitiques, oui, mais il n'y a pas un peuple sémite ou des peuples sémites, ça c'est du grand n'importe quoi. Mais enfin, globalement, on est d'accord depuis la fin du 19e siècle, depuis l'affaire Dreyfus, pour dire qu'antisémitisme, ça veut dire racisme anti-juif. L'islamophobie, c'est effectivement beaucoup plus problématique, aussi peut-être du fait que c'est un terme récent, et dont effectivement les usages idéologiques n'ont pas encore été fixés, sont encore l'enjeu de débat politique. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Arabes seraient finalement des musulmans victimes de l'islamophobie. Le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie, rappelons-le. Donc en Asie du Sud-Est, rien à voir avec le monde arabe. Voilà. Et au Moyen-Orient, il y a plein de gens qui sont chrétiens. Oui, oui. Il y a aussi énormément de gens qui n'ont pas de religion. Sans compter qu'au Maroc, tu m'expliquais qu'en fait, c'est une majorité berbère. C'est le seul pays où il y a une majorité berbère. Oui, tout à fait. Parfait. Brahim, tu as envie de répondre? Enfin, en tant que militant de gauche, je pense que ce qu'il faut adopter comme attitude, c'est de faire prévaloir l'identité sociale sur l'identité religieuse, qui efface l'identité sociale, en tout cas, qui œuvre à aller à rebours vraiment du projet de société que nous on défend, qui est parce que moi ce que je ressens en tous les cas en tant que militante, c'est que à partir du moment où on critique le terme ou même la question de la religion, de l'islam, on bascule vite dans le camp de l'islamophobie. Oui, hein, c'est ce terme dont il va falloir se débarrasser un jour ou l'autre, parce qu'on est en train d'être porté à la dérive d'une espèce de choc des barbarismes qu'on dénonçait jadis. Il faut vraiment clarifier les choses. Moi, je veux bien prendre la défense d'individus quand ils sont attaqués pour leurs croyances. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais de là à aller défendre une religion, non. Et alors que ce pas est facilement franchissable si on continue d'adopter en fait l'usage de ce terme. Mais je pense que moi, ce qui m'intéresse dans ce dont on discute, et c'est ce qu'on essaie de faire là en tournant autour du mot d'islamophobie, c'est que la réalité du meeting, et enfin disons le fondement politique du meeting, c'est un meeting contre l'islamophobie. Donc c'est de l'anti-islamophobie. Le problème d'une anti-islamophobie, c'est qu'elle prend au sérieux le concept d'islamophobie. Voilà, ça prend au sérieux le concept d'islamophobie tel qu'il est posé par ceux qui en ont été les vecteurs au départ. Alors, bon, il y a différentes questions historiques sur qui a utilisé le mot en premier. Disons simplement, essayons d'imaginer que islamophobie, c'est un mot qui aurait été inventé par un observateur neutre pour qualifier le discours contre l'islam de l'extrême droite qui a commencé à monter dans les années 90 et au début des années 2000. Voilà, et de l'extrême droite et des gouvernements. Voilà. Mmh. Imaginons que ce soit qu'un dictionnaire neutre ait inventé le mot islamophobie pour décrire ceci. Se positionner radicalement en face directement de cette islamophobie telle qu'elle est décrite de cette façon-là, c'est prendre au sérieux les mots, la logique complète de cette vision, qui est une vision qui considère qu'il y a donc un islam, que tous les musulmans sont l'islam, et que vraisemblablement tout un tas d'individus autres, des arabes, mais aussi d'autres, enfin voilà, se constituent un ensemble cohérent, une identité assignée. Et donc l'anti-islamophobie, ce serait prendre tous ces gens-là de la même façon que l'islamophobie les définit pour les défendre en tant que tels, en tant qu'ils ont cette identité religieuse. C'est clairement ça. Faire de l'anti-islamophobie, c'est prendre l'islamophobie telle qu'elle se présente au sérieux. Par contre, d'un point de vue progressiste, d'un point de vue de gauche, d'un point de vue issu d'une tradition politique relativement récente dans l'histoire du monde, qui fait la critique des religions et considère que les religions sont dans leur totalité, dans leur vie historique, des vecteurs d'oppression, prendre au sérieux l'islamophobie de la droite, de l'extrême droite et des formes de pouvoir gouvernemental, prendre ça au sérieux pour essayer de renverser la vapeur exactement sur la même ligne, dans la même logique, ça me semble être foireux. Foireux. Et effectivement, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça prend au sérieux le fait tout simple que les religieux voient les gens en dehors de toute appartenance sociale, en dehors de tout rapport de domination et de tout rapport de pouvoir. Et prendre ça au sérieux, c'est faire l'inverse d'avoir une pensée de gauche. Politique. C'est penser aussi que les instruments d'oppression ces notions ont été construites par les gouvernements, par l'extrême droite, par la droite, puissent être des outils de lutte aussi, c'est-à-dire opposer finalement un instrument de l'oppresseur, en admettant en fait tous ces concepts, traiter d'un seul terme en fait toutes des populations qui sont très diverses et variées, qui n'ont pas toutes les mêmes pratiques d'ailleurs, et qui s'opposent les unes les autres, qui peuvent s'opposer. Donc voilà, et les assimiler tous à un ensemble comme ça qu'il faudrait défendre, c'est déjà admettre beaucoup des notions construites par nos ennemis politiques. C'est le son qui m'emporte quand je cherche l'asile, quand j'étouffe, quand j'ai le mal de la ville. C'est le seul qui m'apaise, le seul qui m'allège, le temps d'une parenthèse. C'est celui qui me permet de méditer, un soupir, un moment de vérité. C'est l'écho de mes joies, de mes peines, le battement du pouls qui résonne dans mes veines. C'est le souffle de chacune de mes résolutions, c'est le calme intérieur de ma révolution. C'est le blanc qui pense, le vent de connivence. Mais où est passé le silence? La misère et le bruit sont de mèche. Plus je l'entends, plus je sens qu'elle approche. jamais tranquille, jamais paisible. Ma rue grouille jour et nuit, inaudible. Flot de DB, le vacarme s'épaissit, indécis. Je me débat dans une vie au débit, son tapage m'assourdit. Je m'abîme, il écrase le murmure de la voix qui m'anime le silence. C'est le miel qui s'arrache, un souvenir perdu dans le tumulte de nos ruches, le silence. C'est le cri du repos, il s'achète à prix fort au marché du répit. Mais où est passé le silence? Mais où est passé le silence? Mais où est passé le silence? Mais où est passé le silence? Mais où est passé le silence? Je déteste le vieux silence que je fuis comme la peste. L'affreux silence qui accepte, qui consent, qui concède, qui jamais ne conteste. L'honteux qui se dérobe, rase les murs, qui se défile pour masquer ses blessures. Le silence prostré qui se renie, qui se dénigre et glisse dans le puits de l'oubli. Un silence dont personne ne témoigne, un silence que la faim nous empoigne. Il est en place pour m'agrafer et la bouche. Celui-là, je le brise et le couche. Mais où est passé le silence? Et on est toujours dans l'actualité des luttes. Et on vient d'entendre un morceau du groupe La Canaille qui s'appelle Le Silence. On continue donc la discussion avec Germinal Ebrahim autour de la notion de islamophobie et anti-islamophobie. Et donc on a essayé de voir un petit peu d'où venait ce terme et en quoi déjà à la base il nous mettait dans le mur, il ne nous permettait pas de pouvoir avancer. Et là maintenant, ce qui serait bien, c'est de voir ensemble comment un antiracisme qui posait des questions sociales, politiques, comment au fur et à mesure de ces décennies, il s'est dépolitisé pour en arriver à une critique enfin plus sur la question culturelle ou religieuse qui nous empêche finalement d'aborder sur le terrain politique les questions qui créent la discrimination, le logement, le travail, les papiers, la thune. Enfin, on le disait tout à l'heure, le mot anti-islamophobie prend au sérieux le mot islamophobie et il fabrique une identité générale des musulmans en dehors de tous les rapports de classe interne, les rapports de pouvoir interne qu'il peut y avoir dans ce groupe qui est tel qu'il est fabriqué par ce mot-là. Et évidemment que de l'extérieur, du point de vue, enfin en tout cas dans les expressions de la droite, de l'extrême droite, des gouvernements, il y a des choses qui s'attaquent aux musulmans en tant que musulmans. Le nier, ce serait nier l'éléphant dans le couloir. Mais ce serait nier sa présence. Maintenant, prendre au sérieux directement et frontalement ces arguments-là, ces arguments effectivement islamophobes, en leur opposant une anti-islamophobie, comme le font donc les gens qui se sont réunis le 6 mars, en prenant au sérieux l'existence de cette communauté indifférenciée de tous les musulmans, etc., en dehors de tout le rapport, c'est précisément ce qui nous empêche de voir qu'à l'intérieur de ces communautés, de cette dite communauté, dans ce groupe-là, il y a des rapports de pouvoir, il y a des gens qui luttent pour des places, il y a des gens qui demandent le pour suffrage pour des systèmes politiques précis, par ailleurs, certains d'entre eux sont, on le disait tout à l'heure, connectés à des réalités politiques militantes dans d'autres pays qui sont complètement opposés à la gauche, complètement opposés à l'émancipation, complètement opposés à l'émancipation des femmes ou à l'émancipation des travailleurs ou à la libre expression artistique. Libre expression tout court. Voilà, libre parce que sont tout court, il y a clairement un problème de ce côté-là. Maintenant, vraiment, dans le temps qui nous reste dans l'émission, il faut vraiment qu'on arrive à dire aux auditeurs comment on se positionne par rapport à la question progressiste sur la discrimination qui est faite par rapport à des gens autour de leur appartenance religieuse supposée ou réelle. Juste avant, très rapidement, on voit bien cet effacement des rapports de classe, puisque une des réponses qui a été faite à nos textes contre ces alliances-là a été « mais on ne peut pas se permettre de faire un meeting contre l'islamophobie sans les musulmans, donc on grand ensemble les musulmans ». Les musulmans, oui, enfin moi j'aimerais bien savoir à quel moment l'UOIF ou PSM ont été élus, choisis par les musulmans, si tant est que effectivement ce terme-là veuille dire quelque chose en tant qu'entité englobante, pour les représenter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont des organisations bourgeoises. Mais l'UOIF, on le voit bien, c'est même la lutte des places, l'UOIF. C'est-à-dire que c'est une organisation bourgeoise qui, en fait, représente des mosquées, des associations qui gèrent des mosquées. Donc, c'est des imams, c'est des cadres. C'est pas du tout des prolétaires. C'est pas le travailleur immigré dans sa banlieue. Je pense d'ailleurs qu'ils n'ont peut-être pas grand-chose à foutre. Enfin, d'ailleurs, il n'y a à peu près aucun texte à contenu social sur leur site. Enfin, en tout cas, sauf erreur de ma part, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, c'est quand même effectivement un problème, quoi. De quels musulmans on parle et avec quels musulmans on milite. Et c'est même à tel point que l'UOIF est assez imbriqué dans... des recherches de respectabilité, on va dire, auprès des instances gouvernementales ou régionales ou départementales, à tel point que, par exemple, ils ont effectivement, comme je le disais, participé à la marche d'Union nationale. Donc, quand des orgas signent en disant « c'est pour la base du refus de l'Union nationale », c'est juste un tout petit peu rigolo, quelque part. Enfin, il y a une contradiction. Et effectivement, ils boycottent, par exemple, les élections au Conseil représentatif du culte musulman parce qu'ils pensent que... le système électoral va pas leur permettre d'avoir assez de sièges. C'est un système électoral qui repose sur la superficie au sol des mosquées. Il se trouve que l'UOIF gère plein de mosquées, mais des petites mosquées. Donc c'est vraiment la lutte des places. C'est pas du tout un truc. C'est des problématiques de pouvoir, de prendre le pouvoir au sein d'instances politiques, étatiques, au sein d'instances religieuses, auprès d'une communauté réelle ou supposée. Et voilà, c'est pas du tout les musulmans. Mais c'est extrêmement important. Il faut éviter de donner du crédit à ces organisations en tant que représentants justement des musulmans. C'est une erreur. Et d'ailleurs, c'est plutôt par en haut qui sont légitimés, puisqu'en l'occurrence, le CFCM, c'est quand même Sarkozy qui l'a créé, et que l'UOIF, si elle existe depuis 1983, on en entend effectivement plutôt parler depuis cette histoire-là, puis depuis que les politiques s'intéressent à la place de l'islam. Là encore, le Parti Socialiste et le gouvernement qui voudraient faire des trucs en faveur de l'islam de France, l'UOIF est consulté. Comme l'Église catholique serait consultée sur d'autres sujets, Donc c'est plutôt une légitimation par en haut que par en bas, quoi, en plus. Oui, et puis pour en venir à leur discours, moi, les islamistes essayent aussi de sauvegarder une image qui n'est pas vraiment celle qui les anime. Je pense que cette espèce de lustre de respectabilité qu'ils veulent se donner, c'est comme un peu le discours du Front National qui essaye d'arrondir un peu les angles, de montrer un côté très... voire démocratique. Enfin bon, voilà. Moi, je me laisse pas duper par ces gens de discours, d'où qu'ils viennent, hein, d'ailleurs. Puisqu'on va revenir un peu sur cette question de classe, on va dire que il y a quand même une classe émergente issue de l'immigration, une classe maintenant aujourd'hui qui est dans les facultés et qui cherche à avoir, comment dire, rejoindre le clan de la bourgeoisie, et que du coup là c'est vrai que en France il y a un problème d'ascension sociale pour tous ces gens-là qu'on retrouve du coup dans certaines associations qui mettent en avant la question de l'islam, de la religion, du culturel plutôt que de la question de l'appartenance de classe. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que, bien évidemment, les différentes communautés, ou en tout cas les différents groupes de gens originaires de pays anciennement colonisés par la France, qui sont raccordés à ces ensembles-là, vivent la même chose que tous les autres habitants de la France. Et peut-être. Évidemment qu'il y a des différences, mais il y a des dynamiques, par exemple, d'embourgeoisement qui sont claires, qui sont là, qui sont observables, et qui sont, comme le disait Ornella, à mon avis, très observables à travers qui sont les cadres des associations qui se disent représentées les différentes communautés, etc. Ça me semble être une évidence. Enfin, on vit dans une société de classe avec des rapports assez brutaux sur ces questions-là. Ça se retrouve là-dedans. Mais ça n'est entre guillemets ni bien ni mal. C'est juste la situation générale dans un pays occidental développé avec des formes d'intégration. Alors elles sont différenciées, elles sont retardées, etc. Mais bon, sur ce que tu disais particulièrement, moi, ce que je trouve impressionnant dans ces questions-là, et tu le retrouves à peu près près pour toutes les communautés. Tu le retrouves pour les gens qui se positionnent comme d'origine africaine. Tu le retrouves chez les Antillais. Tu le retrouves. Voilà. La question, c'est quel est le discours et quel est le véhicule qu'utilisent certains, pas tous du reste, parce qu'il y en a plein qui utilisent des véhicules entre guillemets tout à fait respectables, comme l'argent, la réussite sociale par le travail, ça veut dire un peu l'exploitation des autres, clairement. Mmh. Mais bon, voilà. Il y en a d'autres qui utilisent comme véhicule pour se projeter en avant des éléments identitaires, communautaires, qui sont, à mon avis, très très critiquables. Celles qui sont pour moi les plus critiquables, ce sont celles qui sont à l'intérieur de l'espace qu'on appelle la gauche, des parcours, des trajectoires de gens qui utilisent la situation politique dans laquelle on est, dans laquelle il y a un recul général de la lutte des classes, de la vision sociale, et qui surfent sur l'identitaire, le racial, pour en faire un logiciel qui prend, parce qu'il est un peu dans l'air du temps. Moi, je pense qu'il est dans l'air du temps parce que l'extrême droite est très forte, précisément parce que la gauche est très faible. Quand tu dis l'extrême droite, moi j'ai envie de dire quand même quasiment l'ensemble des forces politiques et du gouvernement. Mais c'est ça, il y a du gouvernement. Mais c'est une question d'hégémonie. C'est une question. C'est pas le Front National. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est une question d'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que les idées de droite et extrême droite devenant dominantes, ensuite elles infusent dans l'ensemble du reste de la société et des forces politiques. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, tout à fait. Mais c'était bien de le préciser. Après moi, là, c'est à quel point même la question de la lutte des classes est effectivement occultée, c'est quand on voit le cas là, du gars que je décris dans mon article, Youssef Kamel Béchir, qui est militant proche du Front National, enfin même à l'Action française. Il a créé un orga en fait, qui s'appelle Fils de France et Musulmans Patriotes. Il raconte dans une interview à Rue 89 qu'il n'a jamais vécu les discriminations. Et effectivement, dans le vécu qu'on a des discriminations, je pense que la classe sociale joue un rôle très important. On sait qu'il existe par exemple une discrimination géographique, que le fait par exemple d'être un blanc habitant la cité des 4000, si vous vous appelez Robert Dupont, vous aurez beau envoyer vos CV, peut-être que vous aurez moins de chances de trouver un emploi que si vous êtes un noir habitant le 16e arrondissement. Et effectivement, il y a cette différence-là. Moi, je ne suis pas sûre que les cadres de l'UEF qui sont reçus par François Hollande ou par Nicolas Sarkozy auparavant vivent la discrimination de la même manière que Hassan, qui lui est un prolétaire. Donc il y a quand même aussi ça qu'il faut bien voir dans cette question du racisme. C'est que le racisme, c'est aussi une question de classe. Pas seulement, mais aussi, quoi. Et c'est vraiment très important de le souligner, à mon avis. En particulier, effectivement, ces formes-là qui touchent des populations, on va dire, ex-colonisées. Vas-y. Oui, en plus de tous les problèmes que peut causer l'utilisation de ce terme-là, islamophobie, et de l'ambiguïté qu'il comporte, il faut quand même rappeler que le contexte global dans lequel s'est tenu ce meeting du 6 mars, contre l'islamophobie, c'est plutôt un contexte qui est marqué particulièrement depuis les attaques contre Charlie par une montée des actes contre les musulmans, mais aussi des actes antisémites. Il y a les deux. Mais tout ça, c'est encouragé par la politique raciste, réactionnaire et sécuritaire du gouvernement. Il ne faut pas quand même oublier qu'il y a une offensive qui est raciste et sécuritaire. Tout à fait. Il y a une manif le 21 mars contre toutes les formes de racisme auxquelles ces organisations réactionnaires, que ce soit l'Union des organisations islamiques en France, PSM et d'autres, n'ont pas signé cet appel. Forcément. Et forcément, c'est contre tous les racismes. C'est d'ailleurs à l'initiative des collectifs de sans-papiers. Parce que là, on parlait des forces politiques de gauche. Le fait qu'on soit un peu dans un flou comme ça depuis quelques années, depuis même plusieurs décennies, est-ce que c'est pas aussi le fait que ces forces de gauche ont un peu abandonné, voire totalement abandonné, la question de la lutte des classes pour embrasser le citoyennisme? On serait dans le meilleur des mondes et il n'y aurait plus qu'à l'aménager. Hein, quand même, on est quand même dans cette dimension-là. On n'est plus dans une dimension de classes antagoniques qui doivent se combattre pour pouvoir s'émanciper. Enfin, la classe, le prolétariat. Et est-ce que c'est pas sur ce terreau-là que petit à petit, la question identitaire et religieuse a fait le lit, son lit. Là, je te répondrais qu'à mon avis, ce citoyennisme dont tu parles, bon, il existe, mais assez bizarrement. En fait, moi, je pense que ça, c'est le fond. C'était pour dire l'abandon de la lutte des classes. On peut même penser qu'il existe, il préexistait à la lutte des classes. On va dire qu'il doit avoir 200 ans. Et puis, depuis 100, 150 ans, il avait été connecté à l'idée qu'il y avait lutte des classes et il y avait une nécessaire transformation de la société par une partie majoritaire d'elle-même pour aller vers une société émancipée et plus égalitaire. Ça, c'est effectivement un petit peu abandonné. Moi, ma position là-dessus, enfin, mon hypothèse, c'est que si tu regardes ce qui s'est passé dans les années 80, l'échec de la social-démocratie dans les pays d'Europe de l'Ouest, l'effondrement du capitalisme d'État soviétique à l'Est, ça a créé quelque chose comme un grand vide dans lequel se sont engouffrées des choses. Tu parlais de l'ambiance politique, enfin de ce fameux citoyennisme, et je voulais le critiquer. Moi, j'ai plutôt l'impression que à l'intérieur de la gauche à l'époque où elle était encore, enfin vraiment la grande gauche, à l'époque où elle était encore dominante idéologiquement, jusqu'au milieu des années 90, c'est plutôt des thématiques nouvelles qui se sont fait jour. Et c'est très compliqué à mon avis parce que c'était à la fois positif et négatif le fait que on parle des banlieues, on parle des exclus, on se décide enfin à parler des femmes comme une question politique. Moi, je pense que je voudrais surtout pas qu'on entende ce que je suis en train de dire comme l'idée qu'il ne faut pas parler de ces questions-là. Non, ce que je pense, c'est que on a commencé d'en parler à un moment de complexité politique où on s'est retrouvé avec à la fois des choses extrêmement positives comme le fait de reconnaître des formes d'existence sur les questions homosexuelles, les questions des femmes, la question des sans-papiers, etc. En même temps que on reconnaissait aussi et on assignait à certaines catégories, parfois les mêmes, parfois d'autres, des identités définitives. Comme par exemple la catégorie d'immigrés, l'idée d'une communauté d'immigrés. On s'est retrouvé, au même moment dans cette décennie 90, on s'est retrouvé au même moment avec du bon, c'est-à-dire on voyait enfin des problèmes qui avaient été niés par les gauches pendant des années, et en même temps les problèmes posés par les fronts en question remplaçaient complètement et intégralement, comme une tendance, remplaçaient complètement et intégralement la lutte des classes. Donc en fait on est passé. Oui, parce qu'on peut penser le féminisme aussi en termes de lutte des classes, la lutte des homosexuels également. Et c'est vrai que c'est des analyses qu'on lit très peu, finalement. Classe, race, sexe, c'est vraiment les trois piliers sur lesquels on doit, enfin, à mon avis, avancer. Il y a plein de façons de les connecter. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'au lieu que ça se connecte de façon intelligente, complexe, avec des débats, etc., en fait, certaines choses ont remplacé d'autres. Et surtout, en fait, à la limite, la question de la race, du sexe ou d'autres questions de ce type-là, chacune prise séparément, en fait, c'est moins ça qui s'est passé que l'idée précise de pouvoir assigner des individus à des identités définitives connectées à ces réalités problématiques-là. Je donne un exemple tout simple. On dit race. Là, je fais du simplisme, mais c'est juste pour essayer de donner l'idée d'une pensée. Si quelqu'un dit, attendez, je suis discriminé en fonction de ma race, soit on lui attribue une identité en fonction de cette race pour toujours, et on dit il s'agit de reconnaître ta race et on va reconnaître ta race et tout le monde va t'accorder ton positionnement par rapport à cette identité raciale pour toujours, et on doit en tenir compte pour toujours. Soit on oppose à ça l'idée, et ça c'est normalement à mon avis ça le progressisme, je suis victime d'une discrimination raciale, je pose que cette discrimination est inacceptable et je veux que on arrête de faire des discriminations raciales ou des discriminations tout court. Et les autres, qui est sous d'autres formes de discrimination. Et puis, nous avons tous ensemble pensé au départ qu'il y avait véritablement une question de pouvoir autour de la question économique, donc la lutte des classes. Faisons en sorte que toute la politique d'émancipation que nous mettons en place tienne compte du fait que j'ai un problème. Moi, on me place dans une discrimination, enfin dans une situation de discrimination, en fonction d'une identité. C'est inacceptable en soi. Et le but, c'est d'arriver à une situation où on finisse par oublier même qu'il y ait eu une. C'est pour ça qu'après, on peut glisser vers des groupes dominants. estimant victime de racisme parce qu'ils vont dire l'identité blanche finalement est éternelle et etc etc. Ça prend au sérieux ces assignations là et ça c'est le glissement des années 90. Il nous reste plus que 10 minutes en tous les cas aujourd'hui, j'avais envie de continuer cette discussion en disant que quand même depuis pas mal de décennies là, on a carrément oublié sur cette question de lutte de classe des luttes complètement fondamentales qui permettraient justement d'accéder à un peu plus d'égalité entre tout le monde et qui du coup gommeraient un peu plus les discriminations. Je pense par exemple à la question du logement, à la question du travail, à la question des papiers. Je veux dire, il y a encore quelques années, les travailleurs étrangers avaient des cartes de 10 ans. On a vu ces possibilités se restreindre, fondre avec des difficultés insurmontables pour eux de pouvoir s'installer et d'arrêter de vivre dans une précarité insupportable et à raser les murs. Et toutes ces luttes ont été finalement abandonnées au profit plus de luttes identitaires ou religieuses. Alors, ouais, juste un petit détail sur cette histoire-là. Si tu regardes dans le détail ces affaires-là, oui, effectivement, il y a eu ce recul-là. Et en même temps, c'est là que c'est fou, mais en même temps, en 97, quand la gauche, entre guillemets, est arrivée au pouvoir, elle a mis en place des nouvelles cartes d'un an, toute une série de nouvelles cartes d'un an. Il y en a une, bon, moi, c'était des combats auxquels je participais à ce moment-là précisément. Il venait d'y avoir le mouvement des sans-papiers. Moi, je travaillais sur les questions de santé et on a vu arriver, et on a été très heureux, on a vu arriver une carte pour les gens qui avaient des maladies non traitables à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils étaient sous la droite, ils étaient devenus inexpulsables. Sous la gauche, ils ont obtenu des cartes d'un an renouvelables qui peuvent éventuellement déboucher sur des cartes de 10 ans. Mais le truc qui m'a impressionné en y réfléchissant a posteriori, c'est que la carte en question, le critère d'attribution, était une sorte de marqueur, une sorte de case dans laquelle il s'agissait de mettre les gens. Donc, façon générale, il y a eu, y compris dans la façon dont nos luttes ont impacté les gouvernements, les pouvoirs. Je ne sais pas si c'est malgré elle, il faudrait vraiment faire une grosse réflexion là-dessus. Mais nous avons participé de cette segmentarisation, de cette assignation dans la société, y compris dans ce que nous avons obtenu, nous. Est-ce que c'était la situation qui voulait ça? Est-ce que c'était la forme dont nous avions reconnu collectivement des identités? Est-ce qu'on a participé à cette tendance-là? C'est précisément là-dessus que je travaille. Ça me rappelle l'argument qui est des RESF souvent, ou des RESF pour régulariser les étudiants, qui est « Ah, il est bon ». Ouais, c'est un bon élève. C'est un bon élève, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, quoi? Faut mériter sa nationalité. Ou il a du travail, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça veut dire le chômeur, celui qui a du mal à apprendre le français, qui du coup est mauvais à l'école ou pour d'autres raisons est mauvais à l'école, par contre, celui qui fait partie de la méritocratie, entre guillemets, ou qui répond à ces critères-là. Brahim. Oui, alors moi, je voulais juste apporter une précision supplémentaire. Sur justement l'État, grosso modo, stigmatise. Et elle trouve en face d'elle des organisations réactionnaires qui répondent à cette stigmatisation exactement de la manière dont le gouvernement veut que des forces, en fait, se saisissent de cette question. Mm-hmm. Enfin, elle développe le communautarisme. C'est-à-dire qu'elles essayent de monter, justement, des espèces de barrières que nous, en tant que force de gauche, on se doit d'abattre. Mm-hmm. Et il faut faire vraiment primer cette idée, de l'identité sur des bases sociales. Mmh. C'est en tant que travailleur qu'on est exploité. Évidemment. Chômeur et précaire, attention. Tu as bien travailleur aujourd'hui, Exploité, hein. Dominé. Voilà. Okay. C'est vrai qu'il y a des questions, évidemment, d'identité qui se posent. Mais il faut pas qu'elles prennent le pas sur vraiment le côté matérialiste vraiment des choses. Mmh. C'est-à-dire. Et puis avec des communautés, au bout d'un moment, il y a plus de grève générale, pour le poser en termes... Il faudrait définir ce que c'est qu'une communauté. On ne va pas débattre non plus de la notion très problématique aussi de communautarisme. Mais je veux dire, oui, mais il y a des courants qui exacerbent aussi ce sentiment-là. Mais vraiment, c'est exactement comme le gouvernement veut que... Lui qui met le cadre et nous on joue dedans, quoi. Eh ben voilà, il pose les cadres et voilà, il y en a qui sont même là à bâtir les murs murailles, qui font qu'on peut pas en sortir. Voilà, ouais. Puisque d'atomiser en fait, enfin de segmenter, d'atomiser. Alors que effectivement aujourd'hui tout le combat à notre avis, en tous les cas sur l'actu, on n'arrête pas de le répéter à longueur d'antenne. C'est vraiment sur les liens qu'il faut travailler aujourd'hui. Mais les liens entre chômeurs, précaires, étrangers, nationaux, femmes, hommes, vieux, jeunes, etc. Essayer de trouver ce qui nous rassemble pour créer un vrai rapport de force. Mmh. Et effectivement, on se réunit aujourd'hui pour réagir un peu à cette affaire de meeting du 6 mars. Bon, une des forces motrices de ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est les indigènes de la République. Mmh. Et dans leur livre essentiel publié aux éditions Amsterdam, il y a un certain nombre de... Tu peux donner le titre peut-être ? Qui s'appelle Nous sommes les indigènes de la République. Bon, il y a un certain nombre de textes qui sont extrêmement intéressants sur ces questions-là, qui fixent clairement la tendance dans laquelle ils se situent. Et à de nombreuses reprises, ils segmentent la société, segmentent les dominés sur des critères qui sont des critères de couleur ou des critères raciaux ou des critères ethniques, le blanc, non blanc, ce genre de choses-là. Et moi, je suis véritablement, c'est vrai, d'une certaine façon fasciné par le fait de voir que c'est une réponse complètement symétrique. C'est un miroir des formes de la domination. C'est-à-dire que c'est une intégration dans l'idée d'une gauche d'émancipation, d'une gauche qui voudrait changer la société. C'est l'intégration directe et brutale, à certains moments quasiment caricaturale, des formes de la domination. Et c'est entre autres choses ce sur quoi je travaille à l'heure actuelle. Et ce qui m'impressionne, c'est que, pour le dire simplement, ils voudraient que les non-blancs s'organisent en tant que non-blancs et rejettent la gauche blanche. Bon, c'est un point de vue. Et ce qui est très très impressionnant, c'est qu'il y a dans la gauche en général des gens qui eux disent que la gauche dans la gauche très dominante en fait, voilà. Puisqu'il s'agit d'un groupe proche du Parti socialiste. Ah oui, c'est il y a la gauche populaire qui Laurent Bouvet, Christophe Guillouis, sont des gens qui eux voudraient que la gauche s'adresse aux petits blancs. En tant que petit blanc, sur les questions d'immigration, etc., pour éviter qu'elle ne parte vers le Front National. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces deux groupes, la gauche populaire d'un côté, les indigènes de la République de l'autre, parlent exactement le même langage en miroir. Mmh. Et que ce langage est clairement un langage qui prend au sérieux des catégories qui n'ont rien à voir avec la gauche, avec l'émancipation, qui sont blancs, non-blancs, avec l'égalité, etc. Enfin, et la possibilité d'une société différente. On vous remercie, Raïm et Germinal, et on est là, d'être venus aujourd'hui dans les studios de l'Actu des Luttes.